Le mystère. Прослушайте текст и скажите, откуда исчезла Марка Кристофа. Il est 4h30. Jean-Marc, Florence et Sylvie vont au grenier. Olivier est là, avec Christophe, un élève de 4e. Olivier explique. Christophe collectionne les timbres. Il a 880 timbres. Un de ces timbres est très ancien. C'est le timbre de Napoléon III, un timbre de 1853. Comme aujourd'hui le cours d'histoire est sur Napoléon III, Christophe apporte son timbre à l'école pour le montrer à la classe. Olivier continue. Pendant le cours d'histoire, Christophe montre son timbre au professeur, Madame Dumas. Madame Dumas regarde le timbre avec attention et elle dit « Christophe, je crois que ce timbre a de la valeur. » Pendant le cours de gymnastique, Christophe laisse son cartable au vestiaire. Après la gymnastique, il va à la bibliothèque. Il ouvre son cartable et cherche son timbre. Il regarde dans la trousse, dans le livre d'anglais, dans le cahier bleu. Le timbre n'est plus dans son cartable. Voilà.